La signalisation annonce « Un virage dangereux à droite ». Oui, réponse A. Non, réponse B. Un virage dangereux à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.